s'est dit que tout était dead. Et pourtant, j'essaye de t'oublier en gaspillant mon temps. J'suis tombé sur plus gentil, j'me suis ennuyé. Puis tombé sur celle qui ne voulait que mes billets. J'ai prendre, je te cherche parmi des milliers, des milliers. Mais toi, tu avais tout, tout, tout, tout ce qu'il me fallait. Le dos, pendant que j'en fais d'autres, crier mon nom. J'ai voulu mener vie de charreau.